Once again, we're taking you on board HMS Nelson for a description of the scene at Spithead tonight by Lieutenant Commander Thomas Woodruff. At the present moment, the whole fleet is lit up. When I say lit up, I mean lit up by fairy lamps. We've forgotten the whole Royal Review. The whole thing is lit up by fairy lamps. It's fantastic. It's in the fleet at all. It's fairyland. The whole thing is fairyland. En vérité, Oscar Wilde n'avait pas le front bas, mais de haute taille, de forte corpulence. Sans être musclé, il ne donnait pas l'impression d'avoir un front à la Beethoven. Son profil tenait beaucoup de celui de Byron. Du reste, la tête d'Oscar Wilde avait une allure toute grecque, du type non pas tant des statues, mais des figures, des vases et des médailles. Arthur Cravant. Thank you. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous pensez des punks? Alors là, des punks, j'ai aucune idée là. J'ai entendu parler une fois dans le Nouvel Observateur. Enfin, moi je pense que de toute façon, c'est une réaction contre notre société finalement, et qui sont à l'image finalement de notre société. C'est une société qui finalement ne produit que des choses horribles, ne peut que donner des réactions désordonnées comme les punks. Fair skin with eyes blue. I swear to the Lord that I loved her true. It's a year now she's been gone. Well, her spirit was as bright as the soft sunshine. Lips the color of strawberry wine. I wish to God she still was mine. Chance won't come again. After first we lay in love's sweet bed, with one look at her eyes I might have read all the pain that was flying through her head. Through my guilt I could not see. Oh, I turned to her when the morning came. Hungry thoughts racing through my brain. But the knife in her heart screamed herself she's slain. And an oath whispered love too soon. Our old man screamed and her mother cried. All I could do was to wonder why a girl in her youth was forced to die. Is loving such a crime? She died a few in years with breasts still small, seeing 16 summers, 15 falls. Me and my blindness never realized all the fear she kept inside. Let me tell you a story about a girl I knew. Fair skin with eyes blue. I swear to the Lord. Got 16 days, one for every time I've gone away, one for every time I should have stayed, should have wore my wedding ring. I've got 16 days, 15 of those are nights, can't sleep when the bed she fights, it's way back to your side. Well, the ghost has got me running. Ghost has got me running. Ghost has got me running. Ghost has got me running. Away from you, away from you, away from you. Well, the ghost has got me running. Ghost has got me running. Well, the ghost has got me running. Ghost has got me running. Away from you, away from you, away from you. Got 16 days, got a Bible and a rosary, got a wish that you were close to me, guess I owe you an apology. Got 16 days, 15 of those are nights, can't sleep when the bedsheet fights, it's way back to you, your side. Will the ghost has got me running. Will the ghost has got me running. Will the ghost has got me running. Ghost has got me running. Ghost has got me running. Ghost has got me running. course, constant efforts are made to improve the model. In 82, we overcame the problem of these cadavers looking like, well, cadavers. We managed to simulate paranoid schizophrenia in the corpse's brain. They still had the fixed glare and facial muscles, but this was now attributable to insanity. The Huberty model showed their usefulness in terrorism. The Guntar model, who killed Olaf Palme, showed that they were now sufficiently sophisticated to carry out assassinations without being detected. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat. 'Cause tonight I'll be staying here with you. Au début des années 90, le mouvement a pris une différente tournure avec le groupe Nirvana, formé en 1987, et la musique grunge, qui lui ont permis de populariser son image beaucoup plus largement que dans les sphères underground et de toucher le tout public. Certains membres du groupe avaient déjà fait leur preuve à l'intérieur de la scène, comme par exemple David Grohl, qui a aussi joué avec le groupe Scream, formé en 1980. J'avais pu d'ailleurs apprécier leur excellent concert organisé en 1988 dans un club de l'agglomération grenobloise par un distributeur indépendant de musique punk en France dans les années 80, le disquaire Bunker. Très peu de public y était présent. Le grunge a permis à la musique punk d'être appréciée à une plus grande échelle, mais d'un autre côté, il a amené une certaine banalisation de la subversion. Cette popularité grandissante du genre, hormis le fait qu'elle ait permis même aux petites salles qui programmaient des groupes punk de mieux se remplir, a pu créer une certaine ambiguïté, autant pour les plus alternatifs du mouvement que pour certains groupes qui, en entrant dans le star system, en quelque sorte se mettaient en porte-à-faux avec une certaine éthique fondatrice de cette philosophie. Extrait de La philosophie du punk par Craig O'Hara. When will I see you again? Dès l'été 78, les Dickies se rendirent en Angleterre pour une petite tournée promotionnelle, durant laquelle ils rencontrèrent divers degrés d'enthousiasme. Le show le plus mémorable de la tournée eut lieu à Birmingham. Il y avait des têtes hérissées et des têtes rasées qui dansaient le pogo ensemble, dit Stanley dans Flipside. C'était fou, on se faisait cracher dessus, je défiais les skinheads avec ma guitare et ils ne faisaient que me cracher dessus. Trois rappels avec cette saloperie verte de partout. Heureusement qu'il était possible de l'esquiver. Ces superbes gros glavios de morve dégoulinante n'étaient pas rapides. Ce fut notre show le plus intimidant. Il y avait des skinheads qui scandaient toutes sortes de trucs du genre « Pauvre couillon, sale merde » ou « Foutez ces enculés de leur mère de Yankee dehors !» Extrait de « Going Underground » par George Urshala. Bye. Ses yeux bleus et vaporeux, qui savaient se foncer dans l'intensité de leur regard, étaient admirablement enchâssés dans l'arcade sourcilière, dont les sourcils épais s'arquaient souverainement. On n'a jamais pu, du reste, concevoir un regard plus nombreux, aussi capable d'être langoureusement voilé sur des émotions poétiques, que de vivre du monde extérieur. Arthur Cravant à propos d'Oscar Wilde. Thank you. confined to a set of repetitious commands. Generally, they could only be used for one mission, then they had to be discarded. Then, last year, we made the breakthrough we've been hoping for. We achieved full reactivation of brain and body functions, but only on our terms, of course. What we now can do is to create a reanimated corpse which seems entirely normal and human in every respect, with one difference. They are slavishly devoted to our commands. They literally have no choice. Disobeying would be unthinkable and would cause immediate deactivation. Thank you. Un adjoint de Temple City est arrivé. Il a saisi la Buick et l'a conduite chez un revendeur Ford tout proche pour la mettre en sûreté. Quelques civils se prélassaient sur l'herbe. Wire a indiqué Roy Dunn et Al Manganiello, deux barmen du Desert Inn. André et Alinen leur ont parlé. Dunn a dit qu'il avait travaillé la nuit précédente. Manganiello a dit qu'il ne travaillait que de jour. Alinen leur a montré la photo de la victime appartenant à Madame Creaky. Les deux hommes ont dit qu'ils n'avaient jamais vu la femme auparavant. Ils n'avaient jamais vu la Buick rouge et blanche auparavant. Dunn était de service la nuit précédente, mais il s'était retrouvé coincé au comptoir et n'avait pas vu les allées et venues des clients. L'un et l'autre estimaient que la Buick était restée garée dans le parking toute la journée, voire toute la nuit. André leur a demandé qui d'autre travaillait la veille. Dunn a dit « Demande à Ellis Outlaw, le gérant ». Alinen et André sont entrés. Le capitaine Hetzel et le lieutenant McGowan ont suivi. Le Desert Inn était étroit en forme de L. Des boxes en simili-cuir s'alignaient le long des murs. Un comptoir avec tabouret faisait face à trois rangées de tables et à la porte d'entrée. Le comptoir de service et à la cuisine se trouvaient immédiatement derrière le bar. Une piste de danse et une estrade d'orchestre formaient la branche courte du L. André et Alinen ont pris Ellis Outlaw en tête et lui ont montré la photo de la victime. Outlaw a dit qu'il ne l'avait jamais vue, pas plus que la Buick de 57 garée derrière. Il ne travaillait pas la veille au soir, mais savait qu'il était de service. Il leur a donné quelques noms. Son épouse, Alberta Outlaw, dite Berthe. Sa sœur Myrtle Moby. Elles se trouvaient toutes deux chez lui à l'heure qu'il était. Et c'est le Royal Palms Apartment, 321 West Mildred Avenue, West Covina. Et essayez Margie Trawick, Gilbert, 8-11-36. Elle était serveuse au Desert Inn, mais pas de façon permanente. Et il avait entendu dire qu'elle était là la veille au soir. Alinen a noté les renseignements et suit les autres flics à l'extérieur. Le parking était plein de mecs des services de police d'El Monte qui se tenaient au courant des événements. Un second groupe de mecs planqué à Bryant et Maple, attendant que débarquent l'ex-mari et le gamin de la victime. Il était 18h30, il faisait un peu plus frais. C'était une longue journée de début d'été, la nuit était encore loin. Les radios de bord des voitures se mirent à crachoter à l'unisson. Le gamin et l'ex étaient de retour. Des équipes séparées les emmenaient au poste d'El Monte. Extrait de Ma part d'ombre de James Ellroy. just another day. Crumpled hours of devotion, washed down gutter streams, to sink within the tide. Dust a love squeeze dry, hateful fingers strangle joy, self-made love as bare as bone, dropped down to dusty morning, dropped down to dusty morning, dropped down to dusty morning, dropped down to dusty morning, dropped down to dusty morning, dropped down to dusty morning. Down to dusty morning. Dropped down to dusty morning. Le Parti Socialiste est revenu au pouvoir après 11 années d'opposition, pendant lesquelles il n'a pas cherché à penser une politique d'immigration adaptée aux enjeux contemporains. Refusant de prendre acte des atteintes aux droits inhérents à une maîtrise des flux migratoires, érigés en véritable leitmotiv, il était condamné à les reproduire. Retour historique et critique sur l'action d'un parti dont l'épuisement idéologique et programmatique était criant avant même l'épreuve du retour aux affaires. Sur le droit de vote des étrangers, je n'ai pas soumis ce texte car je sais que l'opposition n'en veut pas et je ne veux pas donner l'impression que nous chercherions, avant les municipales, à utiliser cette question du droit de vote des étrangers pour entretenir je ne sais quel malentendu. Voici donc la nouvelle explication trouvée par François Hollande lors d'une conférence de presse en mai 2013 pour justifier l'ajournement d'une promesse datant de plus de 30 ans, puisque droit de vote des étrangers figurait au programme du candidat Mitterrand en 1981. Celui qui, juste avant d'être élu président de la République, envisageait sa mise en œuvre pour 2013 avant les élections de 2014, préfère désormais laisser passer l'échéance électorale des municipales. Comme il n'y aura plus d'enjeu, un texte sera soumis au Parlement et le Parlement en fera l'adoption s'il le souhaite. La voie référendaire n'a jamais été sérieusement envisagée, alors que dans un contexte plus offensif et en lien avec une politique économique et sociale plus audacieuse, il aurait été possible d'obtenir une majorité. Le renvoi vers le Parlement est une façon d'enterrer cette promesse. La réforme implique une modification de la Constitution, donc l'aval d'une majorité des 3/5 des suffrages exprimés, soit 555 parlementaires. Un total que la gauche, même en imaginant que tous ses élus soient favorables à la réforme, rien n'est moins sûr, ne peut rassembler à elle seule. À supposer que, passé les élections municipales de 2014, une nouvelle reculade ne renvoie pas la réforme au calendrier grec, on peut s'attendre à ce qu'elle soit rejetée tant par une droite par principe hostile que par une gauche parlementaire bien timide. Lorsqu'en septembre 2012, il s'était agi de trouver des parlementaires pour signer un texte en faveur du droit de vote des étrangers, seuls 77 députés socialistes sur 297 avaient répondu à l'appel. Extrait de « Quand la gauche ne déçoit même plus » paru en juin 2013. Thank you. I knew you'd like the enemy. He's the person may pen in plastic fashion a new verse on the Helden label and colossized lot, or with his pen put pen clubs on the spot. He knows to live comes first. No bee in his bonnet outbuzzes any other that lands on it. His balance is astonishing when you consider he has never sold himself to the highest bidder, never has lived a week for 20 summers free of the drum fire of the camouflaged gunners, never has eaten a meal that was undramatic without the next being highly problematic, never succumbed to panic, cultist blood his watchword, facing ahead in untroubled mood. He has been his own bagman, critic, cop, designer, publisher, agent, charman, and shoe shiner. What he has just narrated of double dealing is nothing to what he could, of professional stealing, of the betrayal of unpublished texts to ladies, our Quoddy Day, and other crimes. His fate is, of course, to be a quarry of rich pickings. He's the bullseye of brain pickers like the Dickens. Of unwelcome names blue-penciled in an article, caught in the act and minding not a particle. We suffer from a strange delusion, that is, that our age is straighter than was granddaddy's, of that discrimination against all writers suspected of having eyes in their heads. Good fighters, when driven in corners, are common, but here's a fellow who does not wait to be trapped, an aggressive fellow. I was sure you'd like him, and that was why I brought him. It was a piece of luck, it happened that I caught him. Une chose similaire a pu se passer, à échelle différente, pour l'hilarant Henry Rollins, qui a été l'un des chanteurs du sulfureux groupe de la première scène hardcore californienne Black Flag, formé en 1978. Avant d'utiliser son pseudo pour monter le Rollins Band en 1986. Lorsqu'il signa sur une majeure en 1992, il fut souvent critiqué alors qu'il atteignait une popularité dépassant largement les sphères underground. Henry Rollins est aussi notamment connu pour ses lectures publiques enflammées et le développement de ses activités vers le cinéma. Divers magazines se sont intéressés à son travail. Nombreuses sont les personnes à entretenir un dédain maladif pour la popularité, même quand cela témoigne d'une certaine intégrité. A noter que c'est certainement quelqu'un de suffisamment armé pour ne pas se voir dérangé par telles intentions qui, quand on connaît un peu ses écrits, s'avéreraient plutôt être une source d'inspiration de premier ordre. Extrait de la philosophie du punk de Craig O'Hara. Hello? Who is that speaking, please? Who is that speaking, please? Stein or Wittgenstein, almost dead things. He who has nothing to say should not make an attempt to say something. For that something he would attempt to say would be arbitrary and uncontrollably bad or good, and it would be nothing much. Whatever he has to say would be nothing, and an attempted something is worse. Arbitrary saying something is certainly nothing much. Certainly nothing should make an attempt to say something. Dead. And that is bad enough. Dead. Something bad is worse than nothing. Dead. For nothing is nothing. Dead, bad, at least. Which cannot be said about something which is worse. Dead. This is English bar, so I made a mistake. And hello, all of you male artists and other gangbangers. A good paparazzo has many disguises. Noi. Noi. I squeeze a pimple on your health. La sociologie de la science repose sur le postulat que la vérité du produit, s'agirait-il de ce produit très particulier qu'est la vérité scientifique, réside dans une espèce particulière de conditions sociales de production, c'est-à-dire plus précisément dans un état déterminé de la structure et du fonctionnement du champ scientifique. L'univers pur de la science la plus pure est un champ social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies, ses intérêts et ses profits, mais où tous ces invariants revêtent des formes spécifiques. Pierre Bourdieu. Thank you. And you're going to kill me? Yes, Elizabeth. But why? I don't know. One gets tired every now and then of mere music. Sometimes the classics demand competition. A scream, for example. There's something so exciting about pulling out all the stops and drowning out all human sound. Have you ever tried to match your voice, Miss Peabody, against the thunderous voice of Bach? It's most effective. And then when the struggle gets weaker, when the air is almost gone and you choke and gasp for breath to bring the music down softer, softer. You're mad, you're mad. Would you deny me that pleasure? Help! It takes about 8 hours before the air gives out, but you know I could play for days. And don't worry about the children. I think you've convinced them about the ghost. But that. Theodore? Someone shut the door. It's locked and the key's outside. Who's there? Let me out! Let me out! Theodore! Get away from me. Let me out, you know. Let me out! Let me out! I can't breathe! I'm suffocating. It's so dark. I can't breathe. Let me out, please. Please, I can't breathe. I can't. No, no, no. I can't. I can't. Let me out. I can't breathe. Let me out! Let me out! He's dead! He's dead! Daphne! David! Where are you? Open the door! Help me! Help me! Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais grandi dans un faubourg de Buenos Aires, un faubourg de rues aventureuses et de violents couchers de soleil. J'ai en fait grandi dans un jardin, cerné d'un long mur et dans une bibliothèque contenant d'innombrables livres anglais. Plus de 30 ans ont passé, la maison dans laquelle me furent révélées ces fictions a été démolie, mais j'aime à penser que je ne suis au fond jamais sorti de cette bibliothèque et de ce jardin. Qu'ai-je fait ensuite et que ferais-je d'autre que tisser et défaire les idées qu'ils ont fait naître ? Jorge Luis Borges, citation extraite du discours prononcé en 1944 à l'occasion de la remise du Grand Prix d'honneur de la Société des écrivains argentins, cité par Cristina Grau, Borges et l'architecture, supplémentaire, centre Georges Pompidou. De Jean Cocteau, dit par l'auteur, La Toison d'or. L'éternité, place bouclée et cannelée, j'imagine l'antiquité. Haute du nez, bouclée du pied, lissée de la tête aux pieds. Place bouclée, l'éternité, place bouclée, l'antiquité, place bouclée et annelée, annelée et cannelée, ailée, boulée, boutonnée, la rose mouillée, festonnée. Boutonnée et déboutonnée, la mer sculptée et contournée, la colonne aux cheveux frisés. Ah. blur. Just like a photo, what I see of you, sort of flat and bent with amoebas of light. Maybe my glasses smeared, or maybe the shape of air, but I'm always back in this corner with my eyes crossed. My fingernails sodden and splintered, long to scratch, I scrawled in this book, my finger distended past my nose. Though red, it's still just tissue wiped and dropped. If only I could see beyond these spattered walls of glass. If only I could read what I wrote and get back. Franz Billmeyer. En 76 et 77, j'ai passé par hasard le premier de l'an à Londres. Je suis rentré dans un magasin de disques et j'ai demandé je ne sais plus quoi. Le gars n'a pas vraiment compris, il m'a demandé « Punk ? You want punk ?» et j'ai plus ou moins répondu oui. Il m'a alors montré quelques singles, le premier Damned et ainsi de suite. À la maison à Düsseldorf, j'ai essayé de mettre ça en accord avec la musique que je faisais jusque-là. Et c'était vraiment à peu près pareil. Sauf que je n'y avais pas compris grand-chose. Je ne savais pas que c'était aussi une révolte. Mais j'ai su instinctivement trier ce qui avait à voir avec moi. Le plus affreux des matérialismes sévissait chez moi. Et je ne m'y opposais par nature. C'est pourquoi le punk était si parfait pour moi. Et je voulais bien entendu en faire moi-même. Ramon et moi avons alors décidé de faire un groupe, Charlie's Girls. Et nous avons immédiatement créé le Europe's Only Charlie's Girls Fan Club parce que nous étions très excités par le Europe's Only Iggy Pop Fan Club. Nous voulions le plus vite possible être aussi méchants que le Iggy de l'époque. Il était méchant à un point que personne ici ne pouvait atteindre. Nous avons donc tout de suite essayé de rendre Charlie's Girls public. Avant notre premier concert, nous avions déjà envoyé des infos sur nos sounds. Nous sommes tombés sur les oreilles ouvertes de Alfred Hilsberg. Une interview immédiatement parue. Nous avons quand même monté notre propre organe de propagande, le Ostrich, du nom de l'autruche en anglais. Nous y écrivions sur nos goûts, nous tirions les vers du nez sous différents pseudonymes. Extrait de Dilapide ta jeunesse.

père du garçon avait emmené celui-ci en taxi la veille au matin. Elle avait vu Jean faire du jardinage l'après-midi de la veille. Elles avaient échangé quelques paroles, mais Jean ne lui avait rien dit de ses projets pour le samedi soir. Vergervin a soulevé la question de la voiture de la victime. Où la faisait-elle réviser? Madame Criqui lui a dit d'essayer la station-service de l'antenne locale 76 du syndicat. Irvine a obtenu le numéro au renseignement, appelé la station et parlé au propriétaire. L'homme a consulté ses registres et est revenu en ligne avec un numéro de plaque, California KFE 778. Irvine a communiqué le numéro au standard des services de police d'El Monte. Le standard l'a immédiatement retransmis à toutes les unités du shérif et de la police locale. L'interrogatoire s'est poursuivi. Alinen et Lawton insistaient sur un sujet précis, la victime et ses relations avec les hommes. Madame Criqui a dit que Jean avait une vie sociale limitée. Elle semblait ne pas avoir de petits amis. Elle sortait parfois seule et d'habitude elle rentrait tôt. Elle ne buvait pas beaucoup. Elle disait souvent qu'elle voulait montrer le bon exemple à son fils. Georges Criqui est rentré. Ainen et Lawton l'ont interrogé sur ses activités du samedi soir. Il leur a répondu qu'Anamé était allé au cinéma aux alentours de 21h, lui était resté à la maison et avait regardé un programme de boxe à la télé. Il a vu partir la victime en voiture entre 20h et 20h30, ne l'avait ni vu ni entendu rentrer. Irvine a demandé au Criqui de l'accompagner à la morgue du comté de L.A. Il leur fallait identifier le corps de visu. Alinen a appelé le labo criminel du shérif et leur a dit d'envoyer un adjoint chargé des relevés d'empreintes au 700 Bryant El Monte, la petite maison sur l'arrière de la grande. Vergervin a conduit les Criqui au palais de justice de L.A., 20 km d'une traite par l'autoroute de San Bernardino. Le bureau du coroner et la morgue se trouvaient au sous-sol du bureau de la criminelle du shérif. Extrait de Ma part d'ombre de James Ellroy. Yellow and black and then the yellow and black and rectangular. Rectangular, yes. And what else? Well, yellow and black and rectangular. Rectangular, yes. What else? Well, doctor, it has kind of black and yellow and black and rectangular, yes. It has kind of shapes inside. Yellow, black, and shapes inside. Oh, I see them everywhere. What else? It has kind of wedge shapes inside. Yellow, black. Black and yellow and. And with. Rectangular. Wedge shapes inside. Oh, I see them everywhere. Do you hear me? There. Just lie back. Black and. Black and yellow with. Everywhere, do you hear me? There, Mrs. Black. Well, wedge shapes. Mrs. Wedge. Everywhere. There. Back on the couch. What does it mean? Rectangular. Black and with wedge shapes inside. Oh, I see them everywhere. Everywhere. Just lie back on the couch. What does it mean? Yellow and with black shapes. Wedge shapes inside. Inside. Oh, everywhere, do you hear me? There. Back on the couch. What does it mean? Mrs. Yellow, back on the couch. What does it mean? Am I losing my mind? Just lie back on the couch. What does it mean? Just lie back. Am I losing my mind? There. Everywhere. Just lie back. Do you hear me? There, Mrs. Everywhere, do you hear me? There. Do you hear me? Mrs. Rectangular. Mrs. Rectangular, yes. Am I losing my mind? What you have been seeing everywhere you look are those yellow and black signs used to indicate a fallout shelter in buildings. So you see these signs too, Dr. Black? Why, sure, Mrs. Rectangular. Well, I feel better already. Thank you. Anderson se dirige en patrouille. Danny regarda les hommes du coroner qui plaçaient le corps sur une civière avant de le couvrir d'une couverture pendant que Gibbs leur déblatérait son baratin aux oreilles. Imitant les codes des paris du Rose Bowl et son numéro sur l'affaire du Dahlia noir, toujours non résolu et toujours sujet brûlant. Un foisonnement de lueurs, gyrophares orangés, torches et phares de voiture envahit le terrain vague pour en illuminer quelques détails. Flaques de boue se reflétaient ombre, clair de lune et brume des néons d'Hollywood dans le lointain. Danny songea à ses 6 mois comme inspecteur et aux 2 homicides dont on l'avait chargé, 2 affaires de famille nettes et claires. Les hommes de la morgue chargèrent le corps, firent demi-tour et s'éloignèrent sans sirène. Un principe de Vollmer lui revint en mémoire. Dans les meurtres de passion exacerbée, l'assassin trahit toujours sa pathologie. Si l'enquêteur accepte de faire la part objective des preuves tangibles et ensuite réfléchit de manière subjective en se plaçant du point de vue de l'assassin, il réussira fréquemment à résoudre des crimes dont le côté hasardeux et aléatoire est déconcertant de prime abord. Des yeux arrachés, des organes sexuels meurtris, de la chair nue, sanguinolente jusqu'au vif du muscle. Danny suivit le fourgon de la morgue en direction du centre-ville en regrettant de ne pas avoir de sirène sur sa voiture pour arriver plus vite. Extrait du Grand Nulle Part par James Ellroy. Thank you. Le chant scientifique univers apparemment pur et désintéressé de la science est un chant social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes, ses stratégies, ses intérêts et ses profits. Espèce de jeu qui a pour enjeu spécifique la lutte pour le monopole de l'autorité scientifique, prestige, reconnaissance, célébrité, etc., le champ scientifique doit l'essentiel de ses caractéristiques au fait que les producteurs tendent à n'avoir d'autres clients possibles que leurs concurrents directs, qui sont de ce fait le moins enclins à accorder sans discussion ni examen une valeur scientifique aux produits offerts. La lutte dans laquelle le chacun des agents doit s'engager pour imposer la valeur de ses produits a toujours pour enjeu le pouvoir d'imposer la définition de la science la plus conforme à ses intérêts particuliers, la définition de l'enjeu de la lutte scientifique faisant partie des enjeux de la lutte scientifique. Et la forme que prend cette lutte pour la légitimité scientifique dépend de la structure de la distribution du capital spécifique de reconnaissance scientifique entre participants à la lutte. L'histoire des sciences tend à montrer que, à mesure que les ressources scientifiques accumulées s'accroissent, la compétition scientifique tend à revêtir la forme d'innombrables petites révolutions permanentes plutôt que celle de grandes révolutions périodiques. La différence entre stratégie de conservation des dominants et stratégie de subversion des nouveaux entrants, les prétendants, entre guillemets, tendant à s'affaiblir. On voit que la question fondamentale qui se pose alors à la sociologie scientifique de la science consiste à définir les conditions sociales qui doivent être remplies pour que s'instaure un jeu social où l'idée vraie soit dotée de force parce que ceux qui participent ont intérêt à la vérité au lieu d'avoir, comme en d'autres jeux, la vérité de leurs intérêts. Selon le degré d'autonomie du champ par rapport aux déterminations externes, la part de l'arbitraire social qui se trouve englobée dans le système des présupposés constitutifs de la croyance propre au champ considéré peut être plus ou moins grande. Extrait de Pierre Bourdieu, Le champ scientifique dans la production de l'idéologie dominante, en 1976. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Yes, I'm a king bee, child, buzzing around. Brings us to the current state of affairs in Project Zombie. The deactivation and reactivation of world leaders is going as scheduled. It is, in some cases, very difficult to get the person in a place where we can work on him. It'll be a while before we can plant enough personnel around Gorbachev, for instance. Here's a list of our successes to date, of countries over which we have complete covert control. Canada, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama, all Caribbean islands. Castro is now ours. Colombia, Venezuela, Guyana, Brazil, Chile, Argentina, Portugal, England, West Germany, Italy, Yugoslavia, Czechoslovakia, Hungary, Turkey, Saudi Arabia, Oman, Egypt, Pakistan, Thailand, Korea, North and South, Philippines, Australia, Malaysia, Morocco, Algeria, Niger, Chad, Liberia, Ivory Coast, Upper Volta, Nigeria, Zaire, Kenya. Stay to see. broken. Cry for love until my eyes are soaking. I don't know how to get it back. no good. In fact, it's phony as hell. Yeah, but things worked out just like you wanted to. If you see me out, you don't know me. Try to turn your head, try to give me some room. How to figure out just what I'm gonna do. Cause everyone here hates everyone here for doing just like they do. And it's best if we all keep this quiet instead. And I couldn't tell why everyone here was doing me like they do. But I'm sorry now, and I don't know how to get it back so good. Well, everyone here has wanted what it's like to be with somebody else. And everyone here's to blame. Yeah, everyone here gets caught up in the pressure. Encore une chose explicite sur des attitudes pouvant être générées envers certains artistes en raison de leur popularité grandissante. En citant un acte de violence dont avait été victime le fameux Jello Biafra, punk rocker vétéran du groupe Dead Kennedys, qui furent par ailleurs les premiers musiciens à être traînés en justice pour le contenu d'un disque, il est mondialement connu depuis le début des années 80 et fut notamment remarqué pour son message à travers la chanson Nazi Punks Fuck Off. Les paroles s'adressaient à des personnes entrant dans cette nouvelle communauté en arborant des attitudes de suiveurs, à ceux qui avaient le même comportement lâche que celui des gangs cherchant la bagarre à 10 contre 1, ou à ceux qui se mettaient à porter des svastikas sur leurs blousons comme l'avaient fait certains par provocation au début du mouvement. Jello Biafra est aussi fondateur du toujours très actif label Alternative Tentacles et de par son engagement sociopolitique, il s'était même présenté aux élections municipales de San Francisco en 1979, à l'issue desquelles il avait obtenu 10% des voix. Pour le côté humoristique, un point fort de sa campagne était que les hommes d'affaires seraient tenus de s'habiller en clown pendant les heures ouvrables. Ce qui ne manquera pas de nous rappeler la tentative de Coluche lorsqu'il fit campagne pour se présenter aux élections présidentielles françaises de 1981. La nouvelle de l'agression physique dont a été victime Biafra en 1994 a donc été reçue avec émotion, tant ce monsieur respecté dans les réseaux et apprécié pour ses lectures publiques engagées et ses participations à de multiples projets musicaux. Voilà comment nous est parvenue l'histoire survenue dans un club de San Francisco. Après qu'un type se soit volontairement jeté sur lui, en prenant le slam pour excuse, pied en avant, lui brisant une jambe, Jello lui demande une pièce d'identité afin de pouvoir s'arranger avec lui en laissant la police en dehors de ça. Le slammer lui répondit qu'il était une riche rockstar et qu'il pouvait très bien se débrouiller tout seul en le poussant en arrière. Une fois tombé au sol, ses amis, 5 ou 6 jeunes brutes, le rouèrent de coups en disant « Prends ça, vendu de rockstar !» De tels agissements témoignent de certaines mentalités et d'attitudes pas très brillantes et qui ne valent pas mieux dans un sens que celles pouvant être engendrées par une quelconque adulation. Extrait de La philosophie du punk par Craig O'Hara. Down with me. Comment s'en étonner quand le ministre de l'Intérieur se fait le porte-voix d'un sentiment sans doute largement partagé au sein de l'aile droite de son parti? En réponse à ses signataires, Manuel Valls s'interrogeait dans une interview au Monde. Le droit de vote est-il aujourd'hui une revendication forte dans la société française? Un élément puissant d'intégration? Le droit de vote des étrangers, bien évidemment. Avant de répondre, non, ça n'a pas la même portée qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le défi de la société française est celui de l'intégration. La messe est dite. En 1981, il était trop tôt pour une telle réforme. En 1988, l'état de nos mœurs ne la permettait pas, dixit François Mitterrand. En 1998, elle était souhaitable, mais pas réalisable. Dans le cadre d'une cohabitation, Lionel Jospin. Et en 2013, il est trop tard. Extrait de « Quand la gauche ne déçoit même plus » par Emmanuel Blanchard et Claire Rodier. « L'important n'est donc pas encore de remonter à la racine des choses, mais le monde étant ce qu'il est, de savoir comment s'y conduire. Au temps de la négation, il pouvait être utile de s'interroger sur le problème du suicide. Au temps des idéologies, il faut se mettre en règle avec le meurtre. Si le meurtre a ses raisons, notre époque et nous-mêmes sommes dans la conséquence. S'il ne les a pas, nous sommes dans la folie, il n'y a pas d'autre issue que de retrouver une conséquence ou de se détourner. Il nous revient en tout cas de répondre clairement à la question qui nous est posée dans le sang et les clameurs du siècle. Car nous sommes à la question. Il y a 30 ans, avant de se décider à tuer, on avait beaucoup nié, au point de se nier par le suicide. Dieu triche, tout le monde avec lui et moi-même, donc je meurs. Le suicide était la question. L'idéologie aujourd'hui ne nie plus que les autres, seuls tricheurs. C'est alors qu'on tue. À chaque aube, des assassins chamarrés se glissent dans une cellule. Le meurtre est la question. Les deux raisonnements se tiennent. Ils nous tiennent plus tôt et de façon si serrée que nous ne pouvons plus choisir nos problèmes. Ils nous choisissent l'un après l'autre. Acceptons d'être choisis. Cet essai se propose de poursuivre, devant le meurtre et la révolte, une réflexion commencée autour du suicide et de la notion d'absurde. Extrait de L'homme révolté d'Albert Camus.